Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, septembre noir 1970, la guerre fratricide entre Palestiniens et Jordaniens. Septembre noir, une appellation, une formule à jamais liée au JO tragique de Munich en 72, lorsqu'un commando de terroristes palestiniens prend en otage 9 athlètes israéliens. Une journée d'angoisse, et pour seul épilogue, un bain de sang. Les auteurs de ce massacre se font appeler Septembre Noir, donc en référence à une autre tragédie survenue 2 ans auparavant en Jordanie. Moins connue, plus meurtrière encore, c'est de cette guerre dont nous allons vous parler aujourd'hui. En septembre 70, en effet, des combats sanglants éclatent entre l'armée jordanienne et les fédaïnes, combattants palestiniens réfugiés en Jordanie. Les bombardements et le pilonnage des principales villes du pays vont faire des milliers de morts. Alors que tout le monde croyait que la guerre avait lieu de manière endémique entre Israël et ses voisins arabes, voilà que les peuples frères, ou censés l'être, se battent entre eux, provoquant la sidération générale et de multiples conséquences dans une région déjà explosive. Notre invité aujourd'hui, Alain Grèche, ancien directeur adjoint du Monde diplomatique et aujourd'hui directeur du journal en ligne Orient21.info. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'équilibre des forces étant brutalement rompu en sa faveur, l'armée israélienne entre en action dans le Sinaï. Une première colonne isole la bande côtière de Gaza, une autre prend la direction de l'ouest. Objectif immédiat, la ville et le camp d'El Arish. Samedi 10 juin 1967, 18h, le cessez-le-feu général est proclamé au Moyen-Orient. La guerre avait à peine commencé qu'elle est déjà terminée. 6 jours plus tôt, le 5 juin 1967, après plusieurs semaines d'échauffourées provoquées par les déclarations agressives du raïs égyptien Nasser, qui s'y frotte, s'y pique, Israël envoie son aviation au-dessus du Sinaï. Supériorité militaire, compétences stratégiques, qualité du renseignement technique et humain, Tsahal triomphe sur la coalition des pays arabes et s'empare de territoires importants. Israël contrôle désormais la Cisjordanie, Jérusalem-Est, annexée à la Jordanie, la bande de Gaza ainsi que la péninsule du Sinaï, prise à l'Égypte, et le plateau du Golan, arraché aux Syriens. Partout dans ces territoires conquis, le drapeau bleu et blanc de l'État hébreu flotte sur les bâtiments publics. Après le partage qui lui a donné naissance, 19 ans après ses premières conquêtes, l'État hébreu quadruple la superficie que lui avait accordée l'ONU. Une victoire spectaculaire pour Israël et une tragédie pour les peuples arabes. 20 000 morts contre 800 côté israélien et des centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui fuient les nouveaux territoires conquis. Pour eux, c'est le début d'un long exode, le deuxième en réalité depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Sur les ponts du Jourdain, détruits par la guerre, ils sont plus de 5 000 chaque jour à traverser la nouvelle frontière, poussés par les bombardements, par la peur de vivre sous domination israélienne, par la force parfois. Totalement démunis, ils vont de l'autre côté, en Jordanie, s'installer dans d'immenses camps sous des tentes de fortune dispersées dans le désert. Image d'un drame qui feront bientôt le tour du monde, comme en témoigne cette première archive de l'ORTF du 16 juin 1967, 6 jours après la proclamation du cessez-le-feu. Depuis 8 jours, ils arrivent par petits groupes de Jérusalem, Bethléem, Jéricho, Hébron. C'est une troupe misérable, à garde, ivre de fatigue et de chaleur, qui se présente au pont Abdallah. Les Israéliens ne découragent pas l'exode, qui revêt un caractère dramatique pour la Jordanie. En proie à la détresse, les réfugiés suspectent tout le monde, spécialement les étrangers. Et les injures jaillissent plus vite que les confidences, à de rares exceptions près. Vous êtes de Jérusalem, vous avez traversé le fleuve. Non, mais toute ma famille est à Jérusalem. Je les attends ici, sur le Jourdain. Je suis coupé de toute ma famille, qui sont en Palestine. Une fois le fleuve franchi, les réfugiés sont livrés à eux-mêmes. Ils prennent la route d'Amman sans but précis. Les secours s'organisent laborieusement, mais il est bien évident que le problème dépasse les possibilités des autorités jordaniennes. Le conflit de 1967, qu'on appellera désormais la guerre des 6 jours, marque le début d'un cycle infernal. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les Palestiniens qui n'ont pu fuir se retrouvent privés de droits civiques, soumis jour et nuit au contrôle des services de sécurité israéliens. Les arrestations se multiplient, tandis que la résistance, elle, s'organise et développe ses réseaux clandestins depuis les pays frontaliers. En ce sens, la guerre des 6 jours est un tournant majeur. Humiliés par la défaite, réunis par l'exil, les Palestiniens utilisent désormais leur voix pour chanter la résistance et réclamer la libération de la Palestine. Un réveil national qui annonce aussi le début de la lutte armée. L'un de ses artisans s'appelle Yasser Arafat. Avec son parti, le Fatah, acronyme arabe de Mouvement de Libération Nationale, fondé en 1959, il développe des actions terroristes en Israël sur le modèle des luttes armées menées en Algérie ou au Vietnam. La rhétorique du Fatah reprend alors les thèmes de la lutte anti-impérialiste, de la révolution, de la guerre populaire. Une logorée efficace. En Jordanie, dans les camps de réfugiés palestiniens, ils sont désormais des centaines à prendre les armes. On les appelle « Fedaïn », combattants irréguliers prêts à donner leur vie pour la cause. Prêts à donner la mort aussi, civils ou militaires, les Israéliens vont payer le prix de la victoire. C'est le temps cruel des colis piégés, des sabotages, des bombes dans les lieux publics. S'il n'y a pas d'objection de la part des membres du Conseil, je mets au vote le projet de résolution du Royaume-Uni contenu dans le document S-8247. Que ceux qui sont en faveur de ce projet veuillent bien lever la main. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU tente de trouver une solution diplomatique. Le 22 novembre 1967, 6 mois après la guerre des 6 jours, il vote à l'unanimité le retrait des forces israéliennes des territoires conquis en échange de la reconnaissance de la souveraineté de tous les États de la région. C'est la fameuse résolution 242 qui constitue aujourd'hui encore la base légale de tous les plans de paix israélo-arabes. Imprécise et ambiguë dans ses termes, elle n'a encore jamais été appliquée. Cet échec de l'ONU conforte la résistance palestinienne, alors en plein essor. Aux côtés du Fatah de Yasser Arafat et de l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine, fondée en 1964, les mouvements politiques et paramilitaires se multiplient. C'est le cas, par exemple, du FPLP, Front de Libération de la Palestine, créé par Georges Habash. Nationaliste, marxiste, il s'oppose à tout compromis avec Israël et prône la violence révolutionnaire. Avec ses scissions et ses unions, la résistance palestinienne tente ainsi de se fédérer et s'installe durablement en Jordanie. En fait, Amman, elle fait d'Amman, capitale du royaume hachémite, sa principale base arrière pour combattre Israël. C'est d'ailleurs dans les camps jordaniens que la résistance recrute le plus de volontaires et peut compter sur son plus important soutien. Il faut dire que depuis l'exode de 1967, les Palestiniens représentent les 2/3 de la population jordanienne, bédouine d'origine. Parmi eux, quelques 10 000 combattants acquis à la cause. Formés, entraînés en Jordanie, ils sont ensuite envoyés à l'intérieur des territoires conquis pour opérer des raids meurtriers, limités mais incessants. En 1968, des journalistes de l'ORTF tendent le micro à ces nouveaux Fedaïn, à leur mère aussi. Il dit qu'en Palestine, il a sa maison et qu'il retrouvera sa maison, qu'il y retournera en combattant, en devenant un Fedaï. Les pieds de mon enfant n'ont pas touché la terre de son pays. C'est un sacrilège. La Palestine n'est pas aux Américains. Être loin de la Palestine, c'est dur. Ne pas y retourner, c'est contre la loi de Dieu. Cet afflux massif de réfugiés et de combattants palestiniens en Jordanie ne va pas sans provoquer d'importantes frictions avec la monarchie en place. D'autant que la résistance instaure sur le territoire jordanien un véritable état dans l'état. Les postes de contrôle se multiplient et certains fayyahines se comportent comme des pistoleros sans foi ni loi. Si dans un premier temps le roi Hussein de Jordanie se montre assez tolérant, il s'inquiète rapidement de la montée en force de ce contre-pouvoir qui menace directement son autorité, sa sécurité aussi. Car la Jordanie subit sur son sol les représailles de l'armée israélienne. C'est le cas par exemple le 20 mars 1968 avec la bataille de Garam, village jordanien repère du Fatah, selon Moshe Dayan, ministre de la Défense d'Israël. Le bilan est lourd, mais pour les fedayines qui osent tenir tête à Tsahal, c'est une première victoire politique et les recrues affluent. Dans les semaines suivantes, le Fatah devient ainsi le plus important mouvement palestinien. D'autant plus que la résistance a désormais un visage et une voix. Yasser Arafat, 39 ans. En vareuse militaire et keffiyeh sur la tête, il apparaît pour la première fois au grand jour. Deux mois plus tard, en juillet 1968, lors du 4e congrès national palestinien, le Fatah profite de son avantage pour prendre le contrôle de l'OLP et durcir sa charte. Désormais, la lutte armée est la seule voie pour la libération de la Palestine, explique Arafat lui-même en février 69, alors même qu'il prend la tête du comité exécutif de l'OLP. Nous avons attendu longtemps, depuis 1948. Nous avons attendu l'ONU, sans résultat, sauf davantage de réfugiés. Aussi, nous pensons que la seule voie est de prendre les armes et de nous battre. Nous voulons établir notre État arabe, palestinien, dans lequel musulmans, juifs et chrétiens pourront vivre en paix, dans l'amitié et la justice. Un État démocratique. Quelles seraient les frontières de cet État? Les frontières originelles de la mer au Jourdain. La tension entre Jordaniens et Palestiniens, elle, va en s'aggravant. Acculé de toutes parts, le petit roi, comme on l'appelle alors, est contraint d'agir. Le 10 février 1970, Hussein annonce des mesures limitant la liberté des fedayines qui n'ont, par exemple, plus le droit de circuler en armes. Pour les radicaux du FPLP, son leader Georges Habash, c'est une véritable déclaration de guerre. À Amman, il organise des manifestations qui tournent rapidement à l'affrontement. Bilan, 80 morts. Pour arrêter ce bain de sang, Yasser Arafat, plus modéré, reprend la main et signe un accord avec le roi Hussein. Mais l'engrenage est lancé et le FPLP met en place des opérations de plus en plus spectaculaires. Quelques jours plus tard, le 21 février 70, il détourne un avion de la Swiss Airlines en route vers Tel Aviv. L'appareil explose en plein vol, aucun survivant. À la frontière libanaise, ensuite, un car scolaire israélien est bombardé, crime ultime, plusieurs enfants sont tués. L'OLP de Yasser Arafat condamne ces actes qui desservent la cause palestinienne, mais le mal est fait. De son côté, l'armée jordanienne, lasse de ces Palestiniens qui se croient tout permis, brûle d'en découdre, une bonne fois pour toutes. Le 9 juin 1970, l'offensive est lancée, comme explique le correspondant de l'ORTF, Bernard Lannot, en duplex de Beyrouth. C'est une nouvelle épreuve de force qui est engagée depuis cette nuit entre l'armée jordanienne et les fedayines palestiniens. Depuis 11 heures, toutes les communications sont interrompues entre Amman et le monde extérieur. Les échanges de coups de feu se déroulent non seulement dans les quartiers des Jebel Hussein et Ashrafieh, qui abritent plusieurs camps de Palestiniens, mais aussi dans le quartier résidentiel du Jebel Amman, où se trouvent ministères et ambassades. En fin de matinée, un semblant de détente allait s'amorcer. Lorsqu'on apprenait que le shérif Nasser, oncle du roi, et bêtes noires des fédaïnes avaient été tués, tandis que le convoi du roi lui-même avait essuyé des coups de feu. Aussitôt, les combats allaient reprendre et atteindre leur paroxysme avec l'attaque du camp palestinien du Jebel Hussein par les blindés et l'artillerie jordanienne. Finalement, et grâce à l'entremise des États-Unis et de l'Irak, un cessez-le-feu est proclamé entre les deux parties. Vœux pieux. L'accord à peine signé, les hommes de George Habash se lancent dans de nouvelles actions terroristes. Ils prennent en otage les clients de deux hôtels internationaux d'Amman et réclament la démission des principaux chefs de l'armée jordanienne, dont l'oncle du roi. Contre toute attente, Hussein cède et réaffirme même, le 10 juillet, la liberté d'action et de sécurité des fédaïnes. L'affaire est très importante car elle va accroître les rancœurs de l'armée et son désir de se débarrasser des Palestiniens. C'est à ce moment précis que Washington prend une initiative qui va mettre le feu aux poudres. Il s'agit du plan Rogers, censé mettre fin à la guerre d'usure sur le canal de Suez, nationalisé 14 ans plus tôt en 56 par Nasser, aux grandes dames de la France et de l'Angleterre, et de parvenir au règlement du conflit israélo-palestinien. Soumis à la Jordanie, l'Égypte et à Israël, ce plan est accepté par les trois parties et des pourparlers s'ouvrent à New York. Mais on a oublié de mettre les Palestiniens dans la boucle. Alors, ils crient à la trahison. En acceptant de reprendre les négociations sur la base de la résolution 242 de l'ONU, Nasser et le roi Hussein reconnaissent la légitimité de l'État hébreu. Impardonnable pour l'OLP, qui menace dorénavant le pouvoir jordanien et ouvertement. Même Arafat promet de faire d'Aman un Hanoï arabe, pour reprendre ses mots. Le FPLP surenchérit, évidemment, et voilà que son leader, George Habash, déclare à la fin du mois d'août 70 aux caméras de l'ORTF: nous sommes membres du commandement unifié. Mais à l'intérieur de ce commandement unifié, chaque organisation reste autonome. Elle peut agir comme elle l'entend, si elle le juge important. Depuis 3 ans, nous sommes armés et avons pris en charge notre cause. Nous pensons que nous avons le droit absolu d'utiliser tous les moyens pour protéger notre révolution. Notre code moral, c'est notre révolution. Pendant cette crise, nous avons dit au gouvernement que s'il tentait de nous écraser, nous ferions sauter les autels. Nous le regrettions pour les gens, en tant qu'individus. Mais nous pensions que nous avions le droit absolu d'utiliser n'importe quelle arme pour protéger notre révolution. Après une tentative d'assassinat contre le roi Hussein de Jordanie, les fédéines de George Habash réalisent une opération de piraterie aérienne sans précédent, soit 9 détournements consécutifs. La série terroriste commence le 6 septembre 70. Un Boeing 747 de la Pan Am Airways, au départ d'Amsterdam, est détourné de sa trajectoire et s'oppose au Caire. Après son évacuation, l'avion est détruit. Le même jour, toujours depuis Amsterdam, un Boeing de la compagnie israélienne El Al est visé. Mais à bord, le personnel de sécurité arrive à maîtriser les terroristes. L'une d'entre eux s'appelle Leila Khalid, jeune palestinienne déjà impliquée dans des détournements d'avions et qui deviendra une icône de la révolution palestinienne. Toujours ce 6 septembre 70, 2 autres avions, suisses et américains, sont détournés. Ils atterrissent dans une zone désertique de Jordanie, près de Zarqa. Ici, le FPLP a remis en état un terrain militaire désaffecté, Dawson's Field, rebaptisé aéroport de la Révolution. Les engins sont à l'arrêt, immobiles, portes scellées, les journalistes du monde entier commencent à affluer. Trois jours plus tard, le 9 septembre 70, un troisième avion britannique les rejoint. Il y a maintenant près de 600 passagers suisses, allemands, britanniques, français, américains, israéliens, retenus en otage, enfermés dans les avions malgré la chaleur étouffante. Les terroristes réclament la libération de 7 fédaïnes détenues en Europe, dont la jeune Leila Khalid. Cette série de détournements bouleverse l'opinion mondiale et les images de ces avions stationnés en plein désert vont faire le tour du monde. Une opération de propagande réussie, comme l'explique Bassam Abou Sherif, ancien porte-parole du FPLP, au micro de France 2 en 2001. Nous avions là tous ces gens rassemblés. En tout, 800 passagers. Sur l'aéroport de la Révolution, en plein désert. Nous savions très bien que l'impact de ce type d'opération était sans doute négatif à 90%. Ce que nous voulions, c'est que le monde entier soit sous le choc. « L'idée de notre chef, Wadi Haddad, c'était qu'un détournement de plusieurs avions de différentes nations aurait un tel retentissement que tous les médias seraient obligés de couvrir ce que nous disions sur la cause palestinienne, sur les prisonniers palestiniens. Et c'est probablement la première fois, en effet, que la question des réfugiés palestiniens occupe la scène internationale avec une telle acuité. Le FPLP gagne en notoriété, règne en maître sur cet aéroport improbable. Les passeports des otages sont même gratifiés d'un visa palestinien, le premier de l'histoire. Rapidement, femmes et enfants sont libérés, suivis deux jours plus tard, le 11 septembre 1970, de la majorité des passagers. Restent 54 citoyens israéliens ou à double nationalité, revendiqués, eux, comme prisonniers de guerre. Les Européens cèdent très vite et libèrent les fédéines qu'ils détiennent. Pour les États-Unis et Israël, en revanche, aucune concession. Washington menace même d'intervenir militairement. La tension est à son comble. Face au danger imminent, la résistance palestinienne resserre les rangs malgré les profondes divergences entre Arafat et Abash. Abash qui va frapper un dernier grand coup. Le 12 septembre 1970, après avoir évacué les derniers passagers, il fait sauter les trois avions toujours stationnés dans le désert. Aux yeux des caméras du monde entier, il déclare « Le roi Hussein est un dirigeant réactionnaire, chef d'un état réactionnaire et donc un obstacle. » Puis l'incendiaire annonce la création d'un gouvernement populaire dans le nord de la Jordanie. C'est évidemment un casus belli. Cinq jours plus tard, la guerre fratricide commence. سيد الحمام رسم البرون لبس الغوار شم الهوى أكل الهوى شاغل عقول سكان بيروت La fumée s'élève au-dessus d'Amman. Dans la capitale jordanienne, les combats opposent palestiniens et soldats du roi Hussein. Depuis hier, l'épreuve de force est engagée. Jusqu'où ira-t-on ? La question reste posée. Il existe encore des inconnus dans l'énoncé du problème. Que vont faire les amis des Palestiniens, en particulier les Irakiens, auxquels les commandos ont lancé un appel à l'aide. Quelle sera la réaction de Nasser, pour le moment silencieux? Combien de temps les Palestiniens tiendront-ils face aux soldats du roi Hussein? Et combien Hussein lui-même tiendra-t-il face à la détermination souvent répétée depuis hier de ses adversaires? Les heures à venir nous le diront. Jeudi 17 septembre 1970, à 6h du matin, après 2 semaines de guérilla, le roi Hussein de Jordanie lance ses troupes contre les fédaïnes palestiniens, d'abord à Amman, la capitale, puis dans toutes les villes où ils se sont basés. De Zarqa à Irbid, de Hamta à Kerak, les bases palestiniennes et les camps de réfugiés sont pilonnés par l'artillerie royale et c'est un bain de sang. Les Palestiniens ont beau avoir réuni leurs forces, 40 000 hommes sous le commandement de Yasser Arafat, il leur est bien difficile de résister aux blindés et aux armes lourdes de l'armée jordanienne, soutenue militairement et financièrement par les États-Unis. Et que font les pays arabes voisins? Militairement, pas grand-chose. L'Irak, qui avait menacé la Jordanie en cas d'attaque, fait marche arrière. L'Égyptien Nasser, qui faisait jusque la figure de chef de file du nationalisme arabe, ne lève pas le petit doigt, tout comme le roi Faisal d'Arabie. Seule la Syrie finit par intervenir, oh, brièvement. Face aux avions américains et aux menaces israéliennes, les chars syriens font demi-tour, abandonnant les troupes d'Arafat à leur sort. Dans une conférence de presse, le leader de l'OLP affirme que le roi Hussein a planifié une véritable opération d'extermination des Palestiniens. Une accusation extrêmement grave. Peut-être pas tout à fait fausse, même s'il faut tenir compte des réelles provocations des dirigeants du FPLP qui ont rendu le conflit inévitable. Après 10 jours d'enfer et des milliers de morts palestiniens civils pour la plupart, les pays arabes se décident finalement à agir diplomatiquement. Le 28 septembre 1970, ils se retrouvent au Caire pour négocier un cessez-le-feu sous la houlette du président soudanais, du premier ministre tunisien et du ministre de la Défense du Koweït. Explication au journal de 13h de l'ORTF. L'accord signé par les chefs d'État, les souverains réunis au Caire, prévoit la cessation immédiate de toutes les opérations militaires. Le retrait rapide d'Amman des forces armées jordaniennes vers leurs bases habituelles, ainsi que le retrait des fédaïnes dans les régions propres à l'action des commandos. Les prisonniers se trouvant aux mains des deux parties doivent être libérés immédiatement. Au cas où l'une des deux parties n'appliquerait pas l'accord, tous les États signataires prendraient des mesures communes et collectives contre celle-ci. La dernière clause de l'accord est ainsi libellée, renforcement et soutien à la révolution palestinienne pour lui permettre de réaliser ses objectifs, libération totale et victoire sur l'ennemi israélien. Dans les heures qui suivent, ce 28 septembre 1970, un événement inattendu va conférer à cette réunion arabe un aspect particulièrement dramatique. Après avoir accompagné ses hôtes, le raïs égyptien Nasser rentre chez lui, épuisé. C'est qu'il a pesé de tout son poids dans la signature de l'accord de paix, d'autant qu'il avait donné l'impression d'avoir laissé tomber les Palestiniens. À peine allongé sur son lit, il est victime d'une attaque cardiaque et il meurt. Le choc est immense. Père du panarabisme, c'est un véritable héros des peuples arabes qui disparaît. Oui, décidément, ce septembre 1970 est bien noir. Et les Palestiniens les plus radicaux vont profiter du drame pour remettre en cause le fragile accord du Caire. Dans les rues d'Amman, les fédaïnes gardent les armes. Le roi Hussein nomme alors à la tête du gouvernement Ostital, principal artisan des massacres, bien décidé à percer l'abcès et en finir avec la question palestinienne dans son pays. Même si, rappelons-le, 60% de la population jordanienne est palestinienne. Dès le mois de novembre 70, de nouveaux incidents éclatent et se poursuivent pendant 3 mois. Peu à peu, l'armée jordanienne reprend le contrôle des camps de réfugiés, tandis que les dissensions au sein de la résistance palestinienne sont de plus en plus fortes. Arafat, accusé de mollesse par le FPLP, rejette sur Rabash et les siens la responsabilité du massacre de Septembre Noir. Et pendant qu'ils se querellent, l'armée jordanienne continue à marquer des points. Interviewé par la télévision française, le 14 décembre 1970, le roi Hussein essaie de se montrer rassurant. Je crois que j'ai été le défenseur le plus soucieux de l'unité de la patrie au milieu des dangers qui nous menacent de toutes parts. Mais ce n'est pas tant une question de désaccord entre Jordaniens d'origine différente que le désir de chaque citoyen de mettre fin à une situation de désordre et de perdition. Je crois pourtant que la situation est meilleure maintenant et que l'habitant de la Jordanie, qu'il soit palestinien ou autre, se sent plus rassuré sur son avenir et sur les promesses de reconstruction du pays. Chassés des camps, traqués de toutes parts, les fédéines refluent vers le nord de la Jordanie. Mais leur nombre fond rapidement. Beaucoup choisissent de passer en Syrie, et surtout au Liban, pour établir une nouvelle base arrière. D'autres préfèrent gagner la Cisjordanie, administrée par Israël, où ils sont immédiatement neutralisés par Tsahal. En juillet 71, l'armée jordanienne lance l'assaut final. Le chef du dernier fedaïn de Jordanie, Abu Ali Ayad, est abattu. Et c'est en sa mémoire que se forme le groupe terroriste Septembre Noir, bras armé de la vengeance palestinienne. Première victime, le chef du gouvernement jordanien en personne, Wasti Tal. Il est assassiné 4 mois plus tard, le 28 novembre 1971, au Caire. Malgré tout, Hussein a sauvé son trône et son régime. Et désormais, tous les États arabes voisins, en principe solidaires de la Palestine, préféreront voir les fédaïnes ailleurs que chez eux. L'important est de ne surtout pas remettre en cause le statu quo régional, même au prix d'un massacre. En ce sens, ce triste mois de septembre aura montré que dans leur combat contre les Israéliens, les Palestiniens n'ont plus rien à attendre des pays frères. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, en plus des Jordaniens et des Israéliens, des représentants des pays arabes dits modérés sont aussi des cibles pour le groupe Septembre Noir. Oui, c'est la vengeance, partout, tout le temps, le poison de la haine est semé. Pour preuve, la déclaration du porte-parole de l'OLP, Ramal Nasser, après le massacre des athlètes israéliens au JO de Munich, en Allemagne, en 1972. We believe that Black September... Pour nous, Septembre Noir est le fruit légitime des massacres de septembre en Jordanie. Septembre Noir est un état d'esprit parmi les Palestiniens. Les Palestiniens sont frustrés depuis 20 ans. Le monde ne les a pas entendus. Ils ont vécu dans des grottes, des tentes, des abris de fortune, dans les pires conditions que l'homme puisse supporter. Ils en ont appelé aux Nations Unies. Ils ont demandé au monde entier de comprendre leur cause, de reconnaître leur droit à retourner chez eux. Personne ne les a écoutés. Il n'est donc pas étonnant que de tels phénomènes existent chez les Palestiniens. Un an plus tard, Ramal Nasser est assassiné par un commando israélien à Beyrouth, au Liban. Le pays, autrefois surnommé la Suisse du Moyen-Orient, subira directement les conséquences de Septembre Noir. Les fédaïnes qui y ont trouvé refuge, après avoir été chassés de Jordanie puis de la Syrie d'Hafez al-Assad, ne sont pas totalement étrangers à la guerre civile libanaise qui débutera en 1975 et qui mettra le pays à feu et à sang pendant 15 ans. D'une guerre fratricide à l'autre, la question palestinienne est devenue le problème palestinien, devenu à son tour le problème de tout le monde, enfin dont tout le monde se mêle, sans jamais, et jusqu'à preuve du contraire, trouver de solution. Yesterday I spent asleep. Woke up in my clothes in a dirty heap. Spent the night trying to make a deadline. Squeezing complicated lives into a simple headline. I have your face in an old Polaroid. Tidying the children's clothes and toys. You're smiling back at me. I took the photo from the fridge. Can't remember what then we did. Haven't been with a woman, feels like for years. Thought of you the whole time, yeah. Salty tears. The shitty world sometimes produces a rose. The scent of it lingers, and then it just goes. Return a call. I got a head like a lit cigarette. Unholy clouds reflecting a minaret. Choose your enemies carefully, cause they will define you. Make them interesting, cause in some ways they will mind you. They're not there in the beginning, but when your story ends, gonna last with you longer than your friends. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, septembre noir, avec notre invité Alain Grèche. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur adjoint du Monde Diplomatique et directeur aujourd'hui du journal en ligne Orient21.info. Vous êtes spécialiste du Proche-Orient. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Citons « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» publié aux éditions Les Liens qui libèrent en 2010. Et « Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française » avec Hélène Aldeguer, publié à la découverte il y a deux ans, en 2017. On va revenir au début de notre récit, soit trois ans avant septembre noir, c'est-à-dire le 5 juin 1967, alors qu'éclate ce qu'on a appelé la guerre des six jours. Impossible de comprendre l'un sans l'autre, hein, donc on va y rester. Dans quel contexte se produisent ces éléments des événements de juin 67? Bon, il y a une crise entre l'Égypte et Israël qui concerne le passage des bateaux israéliens dans le canal de Suez et qui va déboucher sur la guerre, un long processus, mais la guerre, c'est une décision israélienne d'aller à la guerre. En se disant qu'ils vont pouvoir remplir leurs objectifs. Mais ce qui est important de comprendre, si on veut lier ça à la question palestinienne, c'est que jusqu'en 67, la question palestinienne est une question relativement secondaire. Les Palestiniens ont subi une défaite historique en 47. Leur territoire, la Cisjordanie, a été annexée par la Jordanie. Il y a eu des centaines de milliers de Palestiniens expulsés des territoires palestiniens par l'armée israélienne. Il n'y a plus de direction politique. Et les Palestiniens qui rêvent de retour vont s'investir pour l'essentiel dans l'idée, dans le nationalisme arabe et l'idée qu'il faut l'unité arabe pour libérer la Palestine. Et que donc il faut soutenir notamment Nasser parce qu'il est le représentant de cette unité arabe. Seul un petit groupe dirigé par Arafat dit non, pas du tout. La libération des Palestiniens sera l'œuvre des Palestiniens eux-mêmes. Et jusqu'en 67, ce groupe n'a pas vraiment d'influence. Habash est avec les autres. Il est avec les gens qui disent c'est Nasser la solution. Et donc, en fait, toute cette période de 67 à 70, ce qui va se jouer, c'est l'émergence d'un mouvement palestinien indépendant des pays arabes. Bien sûr, avec une indépendance relative, parce qu'ils n'ont pas de territoire, mais qui peut prendre ses décisions de manière autonome, sans que ce soit la Ligue arabe qui décide pour eux. Et la défaite arabe de 67 porte un coup très dur à Nasser, porte un coup très dur aux pays arabes et crée une opportunité qui est très courte. C'est-à-dire, brusquement, ils vont pouvoir s'installer militairement en Jordanie. Et ils vont aussi attirer à eux des milliers et des milliers de jeunes réfugiés palestiniens. Et ça va leur donner une existence. Après, vous avez bien montré les contradictions que ça avait et comment ça aboutit à leur défaite. Mais finalement, cette période va leur permettre de ressusciter et de revenir sur la carte politique. Arafat avait une formule, il disait il faut remettre la Palestine sur la carte géopolitique. Et à partir de ce moment, malgré la défaite de septembre 70, les Palestiniens vont devenir un facteur que personne ne peut négliger. Et ça, c'est la grande victoire, il faut le dire, de Yasser Arafat et sa grande capacité à avoir représenté ce nationalisme palestinien. Alors, la résistance s'accompagne dans la frange la plus radicale de cette résistance, d'une référence forte au mouvement de guérilla des années 68, Amérique du Sud, Cuba, Vietnam, pourquoi pas la révolution bolivarienne, je sais pas, mais j'évoque ça parce qu'il est important de rappeler aussi qu'on est dans le contexte de la guerre froide. Il y a tout ça qui Mais on est dans le contexte de la guerre froide, de la guerre de libération. C'est la période de la guerre. C'est-à-dire, l'Algérie est indépendante depuis quelques années. Ouais. Partout, il y a des luttes armées qui se développent. Selon la formule de Mao, beaucoup de gens pensent que le pouvoir est au bout du fusil, qu'il y a le Vietnam qui résiste à l'agression américaine, il y a les guérillas en Amérique latine. Donc, d'une certaine manière, le mouvement palestinien a à la fois des formes de lutte et une idéologie qui s'accordent tout à fait à ça. C'est-à-dire, nous luttons pour un changement complet du système international, pour l'émergence d'un tiers-monde indépendant, pour voilà. Ça permet de comprendre au moins une partie des discours palestiniens. Le Fatah a une aile maoïste, mais enfin bon, à mon avis, elle n'a pas réellement d'idéologie, mais il y a un discours, par exemple, le Fatah a un discours sur la lutte armée qui ressemble qui s'appuie sur les théories de Giap, le général vietnamien, en expliquant comment d'abord on mène des actions ponctuelles, ensuite on libère des territoires, ensuite, enfin bon, il y a toute une idéologie qui s'inscrit selon la formule de, c'était Joris Stevens, c'est le fond de l'air était rouge à l'époque. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, il est d'autant plus rouge. Alors, là, je reviens à ma guerre froide. C'est Chris Barker, je crois. Chris Barker. Bon. Je reviens à la guerre froide, donc qui est un autre élément à prendre en compte. Ouais. Si je ne m'abuse, certains de Fedaïnes ont été formés en Allemagne de l'Est. Ouais. Donc il y a aussi le soutien des puissances communistes aux Palestiniens. Mais ça va venir plus tard. C'est une dialectique qui arrive plus tard. Oui, ça parce que au contraire, la période, disons, qui va de 67 à 70. Je crois qu'Arafat va pour la première fois à Moscou en 69, avec Nasser. D'ailleurs, c'est Nasser qui l'amène dans ses fourgons, si on peut dire. Mais les soviétiques, qui sont en plus en conflit avec la Chine, il faut le rappeler, c'est le grand conflit idéologique, ils pensent que les Fedaïnes, c'est des extrémistes, des gauchistes, etc. Et donc, je pense que les premiers contacts remontent 69-70. C'est plus tard, oui. D'accord. La plupart de ces gens n'ont pas été formés dans les pays de l'Est, mais certains ont été formés parce que pour le Fatah, par exemple, l'exemple, le modèle, c'est l'Algérie. Ouais. C'est un peuple qui a créé. C'est pour ça qu'il s'appelle le Front de Libération. Le Fatah, c'est guerre d'émancipation, quoi. C'est ça. Non, mais c'est Front de Libération Nationale. Oui. C'est-à-dire. Et c'est leur premier bureau à l'étranger, c'est en Algérie. Et l'Algérie sort de sa guerre d'indépendance et forme des combattants palestiniens. Alors, on revient au cœur du récit, Septembre Noir. Et ses conséquences, c'est la question principale d'ailleurs. Quelles ont été les conséquences en chaîne? Alors je sais que la question est très ouverte, mais enfin on va prendre les principales. Les conséquences en chaîne pour l'histoire du Moyen-Orient de cet épisode-là, Septembre Noir. Première grande conséquence de Septembre Noir pour vous, c'est quoi? C'est que je dirais que la résistance palestinienne n'a pas été écrasée. C'est-à-dire elle a été écrasée en Jordanie, mais elle a survécu à cet écrasement. Ailleurs. À la fois en s'installant au Liban, mais aussi par ces actions menées par Septembre Noir qui vont donner une visibilité à la question palestinienne. Et par exemple, il faut rappeler, c'est que, évidemment, tout le monde condamne les détournements d'avions, etc. Mais c'est à partir de ce moment que le gouvernement français, de plus en plus, affirme qu'il y a un problème palestinien et qu'on ne peut pas simplement, c'est pas simplement un problème entre Israël et les pays arabes. Et c'est le moment où il y a les premiers contacts avec, du gouvernement français, notamment sous Pompidou et ensuite ça va être sous Giscard avec l'Organisation de libération de la Palestine. Donc, si vous voulez, Septembre Noir, c'est un désastre pour les Palestiniens, c'est une défaite, mais en même temps, ils vont survivre à cette défaite. Alors, quand on parle des conséquences en chaîne, beaucoup vont au Liban, on est bien d'accord. Est-ce qu'on a le même péril pour le gouvernement libanais que les Fedaïnes créent une sorte d'État dans l'État? Et est-ce que c'est la raison pour laquelle, également, les Palestiniens sont impliqués dans la guerre civile de 75? Oui, à part que ça s'inscrit aussi dans un affrontement inter-libanais. Aussi, les Libanais ont toujours aussi un peu tendance à dire la guerre c'est toujours la faute des autres, mais il y a de vrais affrontements à l'intérieur du Liban entre, disons, une aile qu'on appelle pendant la guerre civile on va appeler les palestino-progressistes, qui comprend les Palestiniens, bien que Arafat au départ soit très hostile au fait d'impliquer les Palestiniens dans cette guerre. Les communautés musulmanes, mais aussi une partie des communautés chrétiennes. Et d'un autre côté, les forces des phalangistes et la droite. Et ça, la dimension palestinienne n'est qu'une de ces dimensions. Au départ, la guerre civile libanaise, elle part sur l'idée qu'il faut abolir le système confessionnel, ce que réclament les palestino-progressistes. Et à ça s'ajoute évidemment le fait qu'il y a une présence militaire armée très forte, et puis le fait que l'État libanais est très faible. On n'est pas dans la situation jordanienne avec un État relativement centralisé, une armée centralisée, etc. L'armée libanaise va éclater en 76, je veux dire. Elle va se désagréger. Alors, vous parliez de l'écho donné par les Palestiniens concernant leur cause avec les opérations de détournement d'avions, qui sont aussi des opérations de propagande, par la com, on dirait aujourd'hui de la com. Il se trouve que en Occident, à ce moment-là, le voyage à Amman, donc en Jordanie, devient une sorte de must. Alors, Jean-Luc Godard, par exemple, et Anne-Marie Miéville viennent tourner ici et ailleurs, c'est un documentaire qui s'appelle Ici et ailleurs, dans un camp de réfugiés palestiniens. Nous sommes en 1969, film qui ne sortira qu'en 1975 et dont nous allons entendre un extrait maintenant. En 1970, ce film s'appelait Victoire. En 1975, il s'appelle Ici et Ailleurs. Ici, une famille française qui regarde la télé. Ailleurs, des images de la révolution palestinienne. Ici, des images toutes simples. Des enfants regardent la télévision avant de faire leurs devoirs et après la soupe. Ailleurs, des images toutes simples. Des fellahines critiquent la façon dont ils ont franchi la rivière sous les mitrailleuses israéliennes. Apprendre à voir ici pour entendre ailleurs. Voilà, c'est du Godard tout craché, hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Enfin, ça dit des choses de la conscience internationale qui se tourne vers cet élément-là, à ce moment-là. Il y a quelqu'un d'autre qui est très important, oui, c'est Jean Genet. Jean Genet. Qui va écrire un très grand livre qui s'appelle Un captif amoureux et qui va passer un an ou un an et demi pendant cette période 69-70 aux côtés des combattants, voilà, palestiniens. Et pour témoigner et pour leur donner la parole. Et il écrira après un témoignage très célèbre sur le massacre de Sabra et Shatila en 1982. Alors ça, ce sont les positions officieuses, citoyennes. Quelle est la position officielle de la France? Comment se situe Paris, là, entre 70 et 75? Alors, il faut remonter un tout petit peu à la guerre de 67. La guerre de 67, on a un paradoxe. On a une opinion française, j'allais dire chauffée à blanc en faveur d'Israël, qui est convaincue qu'Israël risque un nouvel holocauste. Pratiquement toutes les forces politiques, y compris les gaullistes, sont dans ce camp. Il n'y a qu'une exception, c'est le Parti communiste qui, à l'époque, pèse relativement lourd, 20 ou 25%. Et une exception, c'est De Gaulle. Et De Gaulle seul va prendre une position qui est de condamner ce qu'il considère comme une guerre d'agression. Il a dit aux Israéliens et aux Arabes, je condamnerai ceux qui tireront la première balle. Et à partir de ce moment, il va ouvrir, pas lui, mais après surtout Pompidou et surtout Giscard d'Estaing, un dialogue avec les Palestiniens. Et il va y avoir une prise de conscience qu'il n'y a pas de solution possible sans les Palestiniens, que c'est un peuple de réfugiés, que c'est un peuple qui vit sous occupation et qu'il faut trouver une solution. Donc il y a en 69 l'ouverture d'un bureau du Fatah à Paris. Il y a à partir de 74 des relations officielles, je crois que c'est un ministre des Affaires étrangères français qui va voir Yasser Arafat à Beyrouth, etc., etc. Et la France va prendre une position très originale, mais qui finalement... vous savez, la France va prendre une position, non pas, contrairement à ce que s'est dit, De Gaulle n'est pas anti-israélien, il a de très bonnes relations avec David Ben-Gourion, il a été un partisan de la création de l'État d'Israël, etc. Mais il est convaincu, la France et la diplomatie française vont être convaincus de deux choses. Un, c'est que les Palestiniens ont un droit à l'autodétermination, c'est vague, mais ça veut dire à un État quand même. Ouais. Et deux, c'est qu'il faut négocier avec leurs représentants, l'OLP, même si on les critique, même si on pense que tel groupe peut être extrémiste, etc. Il faut négocier avec eux. Et finalement, c'est cette position que la France va prendre seule contre tous, qui va finir par s'imposer dans les années 2000, enfin dans les années 90. Dans les négociations entre Israël et l'OLP. Mais est-ce que ça rend justifié l'expression politique arabe de la France? Écoutez, bon, c'est... Parce que ça se dit, je vous dis, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord qu'on dit ça. C'est vrai, alors là aussi, il faut remonter à De Gaulle, et beaucoup de choses remontent à lui, c'est que, après la dépendance de l'Algérie en 62, il veut une politique de la France dans son environnement, et l'environnement européen d'un côté, l'autre environnement, c'est un environnement arabe, et qu'il faut développer des relations qui étaient impossibles jusqu'en 62, parce que les pays arabes soutenaient la lutte de libération du peuple algérien, et qu'il faut donc il développe une politique en direction aussi bien de l'Irak, de la Syrie, que de l'Égypte de Nasser, après les ruptures qui avaient eu lieu en 56 quand la France avait agressé l'Égypte, avec les pays du Maghreb. Donc il y a une politique arabe, mais ça ne veut pas dire... comment dire, il y a un peu l'idée que la France a mené une politique qui était une politique mercantile. C'est-à-dire que comme nos partenaires commerciaux, c'était les pays arabes, on voulait le faire au détriment d'Israël. Non, la France a mené une politique, je crois, qui s'appuyait sur le droit international, c'est-à-dire sur la résolution 242 dont on a parlé, sur l'idée qu'une solution demandait le retrait israélien des territoires occupés en 67. Et ça, c'est une position que le gouvernement israélien n'a jamais acceptée. Quelles sont les résonances, si tant est qu'il y en ait, entre Septembre Noir et la guerre au Liban en 82? Est-ce que la situation au Liban en 82, et ce qui s'y passe, cette guerre qu'on a eu du mal à comprendre, est-ce qu'elle est liée aussi quelque part à Septembre Noir et à une histoire qui aurait débuté là, à Septembre Noir? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on l'a vu, c'est l'installation des Palestiniens au Liban, elle ne commence pas en 70, elle a commencé dès 69, mais elle devient massive à partir de 70, et donc effectivement, les Palestiniens deviennent un facteur de la politique libanaise, et donc d'une certaine manière cette guerre civile au Liban, elle est aussi le résultat de ce qui s'est passé en 1970 en Jordanie. Mais c'est aussi lié à un autre fait qui est important, c'est que les Palestiniens sont présents partout. C'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens en 1947-48, c'est-à-dire environ 700 000 Palestiniens, ils ont essaimé à travers le monde arabe et ils sont présents au Liban, ils sont présents en Jordanie, ils sont présents en Syrie, et puis après ils vont émigrer dans le Golfe. Ça aussi, ça leur donne un poids important dans le contexte géopolitique arabe. Bon, alors Yasser Arafat, on connaît, on sait, je vous posais plutôt la question de Georges Habache. Quelle trace il a laissé dans l'histoire des Palestiniens et leur velléité d'émancipation et de rêve d'avoir un État? Quelle place il tient dans la conscience palestinienne? Écoutez, d'abord, c'est quelqu'un qui est très respecté chez les Palestiniens. Mmh. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui... même si on le critique, même si beaucoup pouvaient le critiquer, il était respecté. C'est une des dernières figures. Enfin, il est mort maintenant, mais il a été la dernière grande figure historique de l'histoire, de l'histoire palestinienne. Mais je rappelle qu'au début, il crée pas le Front populaire de libération de la Palestine. Lui, il va créer le mouvement des nationalistes arabes. C'est un mouvement pan-arabe. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des sections au Yémen. Ils vont jouer un rôle très important dans l'indépendance du Yémen du Sud, qui va devenir un Yémen socialiste. Et ils ont une influence intellectuelle très importante. Ils vont former des dizaines de cadres, des centaines de cadres, à travers tout le monde arabe. Donc c'est quelqu'un de respecté. Mais, je dirais, comme Arafat, comme les autres dirigeants palestiniens de cette génération, je pense que les Palestiniens voient aussi qu'ils sont quelque part responsables de la défaite qu'ils connaissent aujourd'hui. Puisque je vous parle des figures peut-être iconiques des Palestiniens, il y a Leïla Khaled aussi. On va écouter une dernière archive ensemble, extraite du documentaire intitulé « La guerre de l'ombre » diffusé sur France 2 le 16 septembre 2001. Il s'agit d'une interview de cette icône de la révolution palestinienne, elle se présente comme ça en tout cas, révolution palestinienne, Leïla Khaled. On l'écoute, on en parle après. J'ai été entraîné dans un des camps militaires du FPLP. Puis on m'a demandé de participer à une mission, un détournement d'avion. Un avion américain. C'était en 1969. Lorsque nous survolions la Palestine, c'était la première fois que je voyais ma patrie. Ce fut un moment très émouvant. Je me suis mise à penser, pourquoi est-ce que je ne suis pas là-bas en bas? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise la violence pour revenir chez moi? Cette personne a laissé un souvenir aussi important. Oui, elle a laissé un souvenir très fort et qui amène à s'interroger sur la figure du terroriste. Moi, c'est une appellation que j'essaye d'éviter parce que on est toujours le terroriste de quelqu'un. Mais enfin, on pose pas tous des bombes quand même. Non, mais je dirais les dirigeants, des gens comme Yitzhak Shamir qui a été premier ministre israélien, il a posé des bombes dans des cafés en 47-48, il a tué et plein d'autres. Je dirais le problème de ce jugement moral, c'est me semble très limité. Le jugement, il doit être politique. C'est-à-dire effectivement, Leïla Khaled comme Habash, etc., représente sous des formes différentes une aspiration politique palestinienne. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Alain Gretsch. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Septembre Noir, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, si le cœur vous en dit. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Élise Davio, Adrien Cara et Simon Mésonome, attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Perez, réalisation Jérôme Boulet et Koye Nguyen. À la technique aujourd'hui, on le remercie, il y avait Loïc Frapsos. À suivre sur France Inter dans quelques minutes. Pop, pop, pop, avec Antoine de Caunes qui est là. Cette fois, je le sais. On va dire aux auditeurs, Antoine, que je ne vous vois pas. On parle. Ben non, on ne se voit pas, évidemment. Okay. Nous sommes à la radio. Bah oui, ah, oh, bah c'est pas là. Bon, dites-moi, on aurait pu être dans le même studio aujourd'hui, au programme. Au programme, un des humoristes les plus subtils de l'Hexagone, Monsieur Fraise, et aussi Cyril Pedrosa, le lauréat du prix de BD Fnac France Inter pour l'âge d'or. Eh bien, nous serons au rendez-vous. À tout à l'heure, Antoine. À tout à l'heure.